De la psychologie de saint Augustin. Chapitre 6. Des sens. 5 à 7. Une autre question que se pose saint Augustin est celle de savoir où se produit la sensation. Pour trois de nos sens, le goût, l'odorat et le toucher, il est permis d'affirmer, suivant lui, qu'elle se produit dans les organes eux-mêmes, bien qu'au sujet de l'odorat on puisse élever quelques doutes. Quant au goût et au toucher, il n'y a pas de contestation possible, ce que nous goûtons, ce que nous touchons, nous ne le sentons pas ailleurs que dans notre corps. Mais où sentons-nous les objets de la vue et de l'ouïe, est-ce en nous ou hors de nous-mêmes? C'est là une question pleine de difficultés qui a embarrassé plus d'un grand métaphysicien. Clare déclarait qu'il ne comprenait pas plus que l'âme pût agir dans un lieu où elle ne serait pas, que dans un temps où elle n'existerait pas. Malebranche pensait de même. Recherche de la vérité, livre 1er chapitre 14. Il demandait ironiquement comment l'âme connaissait les étoiles, si elle sortait de son corps et allait se promener dans le ciel pour les saisir. Saint Augustin se pose, à peu près dans les mêmes termes, la même question et essaie ensuite de la résoudre. Comment, dit-il, l'âme sent-elle les objets qui sont placés hors de son corps, puisqu'elle ne vit que dans son corps? Les astres ne sont-ils pas perdus dans le ciel à d'incalculables distances de son corps? N'est-ce pas dans le ciel qu'elle voit le soleil, voir, n'est-ce pas sentir? Puisque la vue est un des cinq sens et le plus élevé de tous, vit-elle donc dans le ciel, puisqu'elle sent dans le ciel, et que la sensation ne saurait être où la vie n'est pas? Ou bien sent-elle même où elle ne vit pas? Voyez-vous que de ténèbres s'offrent à nous dans ce sens éclatant qu'on appelle la vue. Lettre 137 chapitre 2. À ces objections ingénieuses et subtiles, saint Augustin répond à peu près de la manière suivante. La vue sert d'intermédiaire entre moi et les objets que je vois, comme une baguette entre moi et les objets que je touche. Mes yeux voient là où ils ne sont pas, et même ne voient que là où ils ne sont pas. S'ils voyaient où ils sont et ne voyaient qu'où ils sont, ils se verraient eux-mêmes et ne verraient qu'eux-mêmes, car il n'y a qu'eux-mêmes qui soient précisément là où ils sont. De la grandeur de l'âme, chapitre 23. Plotin avait dit de même, quand nous sentons par la vue, nous apercevons l'objet visible et nous l'atteignons par la vue dans l'endroit où il est placé devant nos yeux, comme si la perception s'opérait dans cet endroit même et que l'âme vit hors d'elle. Énéade, 4e. Il semble que saint Augustin, qui s'était d'abord contenté de cette réponse, en ait été moins satisfait plus tard, car il se sert des difficultés que présente ce sujet pour prouver, en raisonnant par analogie, qu'il faut croire aux dogmes de la religion malgré les obscurités qui les enveloppent, puisque nous trouvons des obscurités jusque dans ce qui nous est le plus intime, dans nous-mêmes et dans nos propres opérations. Lettre 137 chapitre 2. N'est-il pas permis de voir dans les hésitations de saint Augustin sur cette question une nouvelle cause de l'occasionnalisme de Malebranche? Il nous semble qu'après avoir nié avec saint Augustin l'action des corps sur l'âme, il a pu être conduit par la force de ses objections touchant la perception extérieure, et par l'insuffisance de ses réponses, à nier l'action de l'âme sur les corps, et à méconnaître ainsi complètement l'efficacité des causes secondes. Chaque sens a son objet propre, la vue, la couleur, l'ouïe, le son, l'odorat, l'odeur, le goût, la saveur, le toucher, le chaud et le froid, le rude et le poli, le dur et le mou, le léger et le pesant. Mais, outre ces objets, dont chacun ne peut être saisi que par un seul de nos sens, il y en a d'autres qui tombent à la fois sous le sens de la vue et sous celui du toucher, et qui, au lieu d'être propres à chacun de ces sens, leur sont communs à l'un et à l'autre, telles sont les formes des corps, qu'elles soient grandes ou petites, carrées ou rondes. Du libre arbitre, livre de chapitre 3, 7, de la grandeur de l'âme chapitre 33. C'est, on le voit, la distinction péripatéticienne des sensibles propres et des sensibles communs. Ces sensations, dont nous avons vu la nature, l'origine, la formation, les objets divers, quelle en est la véritable valeur? Nous font-elles bien connaître les choses auxquelles elles se rapportent? Représentent-elles avec exactitude les réalités du monde extérieur? Les académiciens avaient répondu négativement à cette question, et rejeté la certitude des sens en même temps que les autres espèces de certitude. Bien des philosophes ont renouvelé depuis leurs audacieuses négociations et cherché à ébranler l'autorité de la connaissance sensible. Il ne faut pas trop s'en étonner. La sensation, étant un état de l'âme, on a de la peine à comprendre qu'elle puisse révéler un état du corps, qui révèle lui-même un état de l'objet extérieur. Qui me dit que mes sensations ne sont pas des modifications purement subjectives que je projette au dehors? Pour résoudre cette difficulté, il faudrait invoquer l'autorité de la raison, qui nous atteste la portée objective des sensations, en se fondant d'une part sur le principe de causalité, de l'autre sur la coordination des sensations elles-mêmes. Saint Augustin, qui avait longtemps professé les doctrines des académiciens, ne les réfute point par des arguments aussi radicaux et aussi décisifs, et se borne à les combattre à peu près en ces termes. Vous faites tous vos efforts, leur dit-il, pour prouver que les choses peuvent être autres qu'elles ne nous apparaissent, mais qu'elles ne nous apparaissent pas réellement, c'est ce que vous n'avez jamais pu établir. Je veux bien que ce vaste ensemble qui contient ou semble contenir le ciel, la terre, la mer, n'est rien de réel et de certain, au moins est-il certain et réel qu'il m'apparaît, et c'est à cette apparence que je donne le nom de monde. Nierez-vous cette apparence elle-même? Direz-vous que non seulement rien n'est certainement, mais que rien n'apparaît? Alors il n'y a plus d'erreur possible, car on ne peut errer qu'en prenant l'apparence pour la réalité. Si quelque chose apparaît, il y a quelque chose de vrai et de certain, si rien n'apparaît, il n'y a rien d'incertain ni de faux. Donc vous avez tort de prétendre que l'homme ne peut saisir fermement aucune vérité, et qu'il est condamné à une éternelle incertitude. Saint Augustin va même jusqu'à dire avec Épicure que les sens ne nous trompent jamais, et que nous ne nous égarons qu'en leur faisant dire ce qu'ils ne nous disent pas. Que les yeux me disent d'une rame plongée dans l'eau, est-il vrai? Parfaitement, car, puisqu'il y a des causes qui doivent la faire paraître courbe quand elle est plongée dans ce liquide, si elle me paraissait droite, ce serait alors que je serais fondé à accuser mes yeux d'erreur. N'affirmez que ce qui vous paraît, et vous ne vous tromperez jamais. Le moyen qu'un académicien réfute quelqu'un qui lui dit « Je sais que ceci me paraît blanc, je sais que ce son me plaît, je sais que cette odeur m'est agréable, je sais que cette saveur me paraît douce, je sais que cela me paraît froid. Mais, me dira-t-il, ces feuilles d'olivier que le bouc recherche avec tant d'ardeur, sont-elles amères en elles-mêmes? Je n'en sais rien. Tout ce que je puis répondre, C'est qu'elles sont amères, je ne dis pas pour tous les hommes, je ne dis pas même pour moi dans tous les temps, mais pour moi en ce moment. Pour cela, je l'affirme, je suis parfaitement sûr qu'elles me paraissent ainsi. Portera-t-on l'impudence jusqu'à me dire, quand je sens une saveur agréable, peut-être que vous ne sentez rien, et que tout cela n'est qu'un rêve? Que ce soit un rêve, je le veux bien, mais, rêve ou non, toujours est-il que je sens quelque chose d'agréable. Contre les académiciens, livre 3 chapitre 11, 12. Il semble que si saint Augustin avait voulu établir solidement la certitude, non seulement de l'interne, mais encore de l'externe, il aurait dû transporter le débat sur un autre terrain, et faire appel au toucher plutôt qu'au goût et à l'odorat, car ces derniers sens sont, je ne dirais pas entièrement subjectifs, on a de nos jours établi victorieusement le contraire, mais plus subjectif que le premier. La scène si magnifiquement décrite par Buffon, quand il nous montre le premier homme contemplant, sans pouvoir s'en distinguer, la merveille du monde naissant, et n'arrivant qu'au contact d'un arbre à concevoir son existence propre et une existence étrangère, cette scène doit se renouveler sourdement pour chacun de nous au début de la vie et à l'aube de l'intelligence. Pour chacun de nous, comme pour Adam, c'est, je crois, dans l'acte du toucher et à la lumière de la raison qu'éclate la distinction du moi et du non-moi et leur certitude à l'un et à l'autre. Il ne faut pas s'exagérer la portée des arguments par lesquels saint Augustin défend l'autorité des sens. Il ne cherche pas à prouver que le monde extérieur, tel que les sens nous le découvrent, est réel, mais que l'idée que nous en avons ne saurait être révoquée en doute. Or admettre qu'il y a dans l'âme un ensemble d'images, sans oser affirmer qu'elles aient des objets, et proposer de donner à cet ensemble d'images le nom de monde, ce n'est pas défendre les sens, c'est les sacrifier. Il n'est pas d'idéaliste qui ne souscrivit des deux mains à cette doctrine. Aussi l'illustrité admire fort les arguments que nous venons de citer. Saint Augustin, dit-il, ajoute avec beaucoup de justesse que, dans cette doctrine même, nous sommes posés comme pleinement sûrs de l'existence et de la vérité du monde, car nous sommes libres de désigner par le nom de monde cette multiplicité de phénomènes qui se succèdent en nous et qui sont d'une certitude complète. Conférité, de la philosophie chrétienne. Oui, mais pourquoi changer ainsi le sens des mots et se donner l'air, aux yeux des lecteurs peu attentifs, de penser tout le contraire de ce qu'on pense? Vous voulez dire que l'existence du monde est incertaine et celle de la pensée certaine? Dites-le donc, tout uniment, au lieu de dire, le monde est certain. Car par ce mot « monde » j'entends la pensée. À quoi peut servir tout ce galimatia, sinon à jeter de la confusion dans les esprits distraits, et à permettre à ceux qui soutiennent de mauvaises causes de se défendre quelque temps en s'abritant derrière des équivoques? Il y a longtemps que Descartes a comparé les auteurs de ce genre à des aveugles qui chercheraient à attirer dans une cave ceux qui voient clair, pour se battre contre eux dans des conditions moins désavantageuses. Je sais bien qu'Augustin accepte et développe les arguments ingénieux par lesquels les épicuriens s'efforcent de justifier l'essence des erreurs qu'on leur a de tout en reproché. Mais d'abord, plusieurs de ces arguments n'impliquent que la réalité des phénomènes internes, ensuite, il a l'air d'en faire lui-même bon marché et de n'être pas sûr d'avoir raison contre ses adversaires. Il ajoute, en effet, que si les académiciens réfutent ses arguments en faveur des sens, Il ne s'en met pas fort en peine, mais qu'il les défie d'affirmer ce qu'il tient en réserve en faveur de l'intelligence, car les sens, suivant beaucoup de philosophes, sont le domaine de l'opinion, l'intelligence seule est celui de la science. Tous les objets que les sens corporels peuvent atteindre, et qu'on désigne sous le nom d'objets sensibles, sont dans un état de mutation incessante. Or ce qui n'a rien de permanent, ne peut être saisi d'une prise ferme, ni être l'objet d'une connaissance vraiment scientifique. De plus, on ne saurait admettre une chose quand on ne peut pas la distinguer de son image. Or il y a tant de ressemblances entre les objets qui frappent nos sens et les images que nous nous en formons dans le rêve et dans le délire, que nous n'avons aucun moyen de distinguer sûrement le rêve de la réalité. Enfin, les corps que nos yeux voient ne sont pas plus les vrais corps que les triangles et les carrés qui frappent nos sens ne sont les vrais triangles et les vrais carrés. Il n'y a de vrai que ceux que l'esprit conçoit, ceux que les sens saisissent n'en sont que d'imparfaites et par conséquent de fausses imitations. De 83 questions numéro 9. Soliloque 2, chapitre 20. On voit que la doctrine de saint Augustin, relative à la certitude des sens, est assez flottante et assez indécise. Il semble que ce qu'il leur donne d'une main, il le retire de l'autre. C'est là un trait qui lui est commun avec la plupart des platoniciens et aussi avec la plupart des cartésiens. S'il n'avait pas amoindri l'autorité des sens, s'il ne les avait pas rabaissés pour élever la raison à leurs dépens, il ne serait pas, ce qu'il est, un intermédiaire entre le platonisme et le cartésianisme. Platon avait dit avant lui, « Pouvons-nous dire qu'il y ait quelque chose d'évident, selon la plus exacte vérité, dans des choses dont aucune partie n'a jamais existé, ni n'existera, ni n'existe dans le même état ? Comment aurions-nous des connaissances fixes sur ce qui n'a aucune fixité ? Ce n'est point de ces choses passagères dont s'occupe l'intelligence et toute science qui s'attache à la vérité en elle-même. Platon, Philebe, sur le plaisir. Plus tard, Descartes se fonda, comme lui, sur la mutabilité des choses sensibles et sur l'impossibilité de distinguer la veille du sommeil, pour infirmer l'autorité des sens, comme lui, il admit l'existence de la pensée et du sujet pensant, tout en restant un peu indécis sur l'existence des objets pensés. Malebranche alla encore plus loin dans cette voie et déclara nettement que l'âme ne saisit pas directement les corps et qu'elle ne les voit que dans l'intelligence divine qui les a conçus. Tous les sens extérieurs qu'Augustin a si curieusement étudiés sont subordonnés, selon lui, à un sens intérieur sur lequel il nous a laissé aussi des observations pleines d'intérêt et de finesse. Dans un passage célèbre de ses Confessions, livre 7 chapitre 17, où il résume l'histoire de sa pensée philosophique et en retrace, à grands traits, la marche ascendante. Saint Augustin raconte qu'il s'éleva graduellement des corps à l'âme qui sent par le moyen du corps, et de là à ce sens intérieur auquel les sens corporels rapportent les choses du dehors et qui marque la limite de l'animalité. Pour lui, ce sens intérieur est, à certains égards, le sens commun ou premier sensitif, si admirablement décrit par Aristote, c'est, à d'autres égards, le sens intime, qui devait tenir une place si considérable dans la philosophie moderne tout entière. Aristote avait remarqué que l'homme peut comparer le blanc au doux, le noir à l'amer, et que la vue ne percevant pas l'amer et le doux, le goût ne percevant pas le noir et le blanc, la comparaison du blanc et du doux, du noir et de l'amer, ne saurait être faite par aucun de ces deux sens, de là, la nécessité d'un sens commun, seul capable, de faire cette comparaison, parce que seul il sent tout ce que sentent les divers sens particuliers, et que c'est à lui que toutes leurs dépositions viennent aboutir. De l'âme et de son origine, livre 3. Augustin est sur ce point de la vie du stagirite. Parmi nos sens extérieurs, se demande-t-il, y en a-t-il un seul par lequel nous connaissions les objets de tous les autres, et qui soit apte à faire le discernement de ce qui peut être saisi par chacun d'eux en particulier, et de ce qui tombe sous plusieurs d'entre eux? Non, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le tact ont chacun une fonction spéciale en dehors de laquelle il ne faut rien leur demander. Au-dessus de tous les sens extérieurs et particuliers, on est donc amené par la raison à reconnaître un sens intérieur et en quelque sorte central, qui préside à leurs opérations, à tous, et s'empare de leurs données. Tout en accordant au sens intérieur une sorte de suprématie sur les sens extérieurs, Aristote laissait à ces derniers non seulement la connaissance de leurs objets divers, mais encore la connaissance de leurs sensations respectives. Suivant lui, le même sens qui nous fait voir, nous fait aussi connaître que nous voyons. Ici, Augustin se sépare complètement d'Aristote. Il ne concède au sens que la connaissance des objets du dehors, et réserve au sens intérieur seule la connaissance de cette connaissance même. C'est faire du sens intérieur ce qu'on nomme aujourd'hui le sens intime ou conscience psychologique, et jeter les premiers fondements des théories que les modernes ont depuis élevées sur ce sujet. On en saurait douter en lisant les pensées suivantes. La couleur est sentie par le sens de la vue, mais la sensation de la couleur elle-même n'est pas sentie par ce sens. Autre chose est la couleur, autre chose la vue que nous en avons, autre chose, enfin, le sens par lequel nous pouvons la saisir et qui existe en nous lors même qu'elle ne frappe point nos yeux. De ces trois choses, le sens, la sensation, la couleur, il n'y a que la dernière que le sens de la vue saisisse. Le sens qui me fait voir la couleur, ne me fait point voir la vue que j'en ai, celui qui me fait entendre les sons, ne me fait point entendre mon audition, celui qui me fait sentir une odeur, ne peut me faire sentir la sensation qui en résulte. Celui qui me fait goûter une saveur, ne saurait me faire goûter la sensation qu'elle me cause. Celui qui me fait toucher un objet, ne me fait point toucher la sensation du toucher elle-même. N'est-ce pas dire, en d'autres termes, que les perceptions des sens ne sont pas comme leurs objets et ne peuvent être connues de la même manière? Les perceptions de la vue ne sont ni colorées ni lumineuses pour être visibles à l'œil. Celles de l'ouïe n'ont pas de sonorité pour être sensibles à l'oreille. Celles de l'odorat ne sentent ni bon ni mauvais, et l'organe de l'odorat ne saurait les atteindre. Celles du goût n'ont aucune saveur qui permette au palais de les apprécier. Celles du toucher ne sont ni dures, ni molles, ni froides, ni chaudes, et sont entièrement inaccessibles à la main et aux autres parties du corps. À défaut des sens extérieurs, est-ce la raison qui nous fait connaître nos sensations? Nullement, car les animaux, qui ne sont pas doués de raison, n'ignorent pas plus que nous les sensations qu'ils éprouvent. La bête ne pourrait ouvrir l'œil et diriger son regard vers la chose qu'elle désire voir, si, quand l'œil est fermé ou dirigé autrement, elle ne sentait pas qu'elle ne la voit point. Mais si elle sent qu'elle ne voit point quand elle ne voit point, elle sent nécessairement qu'elle voit quand elle voit, Parce que le seul fait de ne pas diriger son regard quand elle voit de la même manière que quand elle ne voit pas, marque assez qu'elle a le sentiment de ces deux états. Du libre arbitre, livre 2 chapitre 4. Saint Augustin pose ici fort nettement une question qui embarrasse encore aujourd'hui les psychologues, et la résout, suivant moi, de la manière la plus plausible. Sans doute, il paraît difficile de soutenir que l'animal est doué du sens intime, car c'est presque dire qu'il est doué de la réflexion, mais il est bien plus difficile de soutenir qu'il en est totalement privé, car ce serait dire qu'il n'éprouve aucune sensation. Qu'est-ce, en effet, qu'une sensation dont on n'a pas conscience? N'est-il pas vraisemblable que certains animaux, tout en ayant une âme, ont à peine un moi, que leur conscience vague et indistincte leur fait à peine entrevoir, comme à travers un nuage, comme dans un rêve, leurs états divers, mais qu'à mesure qu'on s'élève dans l'échelle des êtres, cette conscience va s'éclaircissant, jusqu'à ce qu'elle devienne dans l'homme, et surtout dans l'homme adulte et cultivé, cette opération merveilleuse qu'on nomme la réflexion. Si le sens intérieur n'est pas identique à la raison, pourquoi est-il regardé comme supérieur aux autres sens? Ce n'est pas parce qu'il les connaît, car, à ce compte, l'homme, connaissant la sagesse, serait par cela même au-dessus d'elle. C'est parce qu'il joue à l'égard des autres sens le rôle de modérateur et de juge. Il appartient à ceux-ci d'apprécier les sons, les couleurs et les autres choses corporelles, et de sentir si elles sont agréables ou désagréables, tandis que c'est le propre du sens intérieur de prononcer sur les fonctions même des autres sens, de juger si elles s'accomplissent ou ne s'accomplissent pas, si elles s'accomplissent bien ou mal. Du libre arbitre, livre 2 chapitre 3 à 6. Non seulement, suivant saint Augustin, le sens intérieur concentre les données des sens extérieurs et saisit leurs opérations, mais encore il connaît le juste et l'injuste, le juste, par une idée intelligible, l'injuste, par la privation de cette idée. Ici, le langage de notre auteur nous paraît manquer d'exactitude. La conception du juste et de l'injuste, Augustin le reconnaît ailleurs, est due à la raison. Le sens intime aperçoit cette conception comme tous les autres faits psychologiques, mais il n'en est pas le principe. Il saisit le fait, mais il ne l'engendre pas. Selon saint Augustin, le sens intime révèle, en outre, l'âme à elle-même. L'âme ne peut s'ignorer, même quand elle cherche à se connaître, car, quand elle se cherche, elle le sait, et elle ne pourrait pas savoir qu'elle le sait, si elle ne se savait pas en un certain degré. Le sens intérieur lui atteste qu'elle existe, qu'elle le sait et qu'elle aime à la fois son existence et la connaissance qu'elle en a. Non seulement je connais ces faits, mais j'en suis certain de la certitude de la plus inébranlable, car ils ne ressemblent pas à ceux du dehors, qui peuvent toujours me décevoir par une fausse apparence. Je ne perçois ceci que par le moyen de certains instruments corporels, tandis que je connais cela sans avoir besoin de la prunelle de l'œil, des cavités de l'oreille, ni d'aucun autre appareil organique. Je ne vois les uns qu'à travers certaines images qui les découvrent à mon esprit, tandis que nulle représentation ne m'est nécessaire pour saisir les autres. Je suis, je connais mon existence, j'aime mon existence et la connaissance que j'en ai, ce sont là des faits qui sont pour moi plus clairs que le jour. Sur ce terrain je puis défier toutes les attaques du scepticisme. Un académicien me dira peut-être, et si vous vous trompez, mais je lui répondrai aussitôt, si je me trompe, je suis, si fait l'or, somme, car on ne peut se tromper sans être. La connaissance que j'ai de mon existence et l'amour que j'ai pour mon existence et pour ma connaissance ne sont pas des choses moins certaines que mon existence elle-même, puisqu'elles me sont connues de la même manière et par la déposition de la même faculté. De la Genèse au sens littéral, livre 7 chapitre 21, Cité de Dieu, livre 11 chapitre 26 et 27. On a remarqué plus d'une fois l'identité du siphalor, somme de saint Augustin, et du cogito, ergo somme de Descartes, mais en ajoutant que ces deux philosophes n'ont pas tiré le même parti de cette vérité, et que Descartes en a déduit des conséquences que saint Augustin n'y avait pas aperçues. Descartes prétend que saint Augustin s'est simplement servi du fait de la pensée pour établir la certitude de notre être et pour s'élever jusqu'à la Trinité divine, tandis qu'il s'en sert lui-même pour établir la spiritualité du principe pensant. Pascal, qui n'aimait pas beaucoup Descartes, soutient cependant que, lors même qu'il aurait tiré de saint Augustin son cogito, ergo sum, il ne laisserait pas d'en être le véritable auteur, car il y a bien de la différence entre écrire un mot à l'aventure et faire de ce mot le fondement de toute une métaphysique. Enfin, de nos jours, plusieurs philosophes éminents, entre autres messieurs Bouillet et Cesset, émettent à peu près la même opinion. Voici comment s'exprime ce dernier. Dans ce beau et noble langage dont il a le secret, nous ne conclurons pas de ces curieuses analogies que Descartes soit le plagiaire de saint Augustin, ni qu'il faille saluer dans l'auteur de la Cité de Dieu le véritable père de la philosophie moderne. Car quel intervalle immense n'y a-t-il pas entre le germe à peine ébauché d'une conception métaphysique et le riche épanouissement d'un système qui embrasse Dieu, l'homme et la nature en son ample sein. Cité de Dieu, introduction, in édition Charpentier, 1855. On ne nous soupçonnera pas de chercher à déprécier des autorités de cette valeur, ni de vouloir diminuer Descartes au profit de saint Augustin, mais il nous semble que, dans la plupart des rapprochements établis entre ces deux grands hommes sur cette question, saint Augustin a été un peu sacrifié et que sa part de mérite est plus grande qu'on ne la fait généralement. D'abord, le siphalor, somme n'est point un de ces mots écrits à l'aventure et dont l'auteur ne pénètre pas lui-même le sens profond. Il revient sous sa plume dans plusieurs de ses ouvrages, dans le traité de la vraie religion, dans celui du libre arbitre, dans celui de la Trinité. De la vraie religion, 39, du libre arbitre, livre 2 chapitre 3 de la Trinité, livre 10 chapitre 10. Il lui sert, comme à Descartes le cogito, à arracher au scepticisme l'existence du moi et celle du monde moral. Il est pour lui le fondement inébranlable de la certitude, l'indestructible base de la logique tout entière. C'est bien quelque chose. Il lui sert encore à déterminer, brièvement, il est vrai, et d'une manière trop peu explicite, ce qu'on nous permettra d'appeler la certitude typique qui est, pour lui comme pour Descartes, la certitude de son existence personnelle. Car, s'il admet la certitude de son amour, c'est qu'elle lui offre les mêmes caractères que celle de son existence. Cité de Dieu, livre 11 chapitre 27. En d'autres termes, dans saint Augustin comme dans Descartes, le même principe engendre la certitude et son critérium tout à la fois. Une troisième conséquence du principe cartésien, c'est que l'âme nous est connue plus clairement et plus certainement que le corps. Sur ce point, Augustin est parfaitement d'accord avec Descartes, par cela seul qu'il ne doute pas du témoignage du sens intime et qu'il doute de celui des sens extérieurs. Il admet que l'objet du premier est plus clairement et plus certainement connu que l'objet des seconds. Descartes n'a sur saint Augustin qu'un avantage, celui de rattacher plus fortement la conséquence à son principe. Mais ce qui fait l'originalité de Descartes, si on veut l'en croire, et ce qui le distingue de saint Augustin, c'est qu'il a fait sortir du cogito, ergo sum la doctrine de la spiritualité de l'âme. Si Descartes avait lu le dixième livre du traité de la Trinité, il aurait changé d'opinion et serait convenu que saint Augustin l'avait encore devancé sur ce point capital. Saint Augustin avait vivement recommandé, avant Descartes, d'écarter toutes les idées sensibles, et de ne pas confondre l'imagination avec l'intelligence pure, si l'on voulait saisir l'âme dans sa véritable essence. Quand Descartes déclare qu'il fermera les yeux, qu'il se bouchera les oreilles, qu'il se détournera de toutes les choses sensibles pour se connaître plus clairement et se rendre plus familier à lui-même, méditation troisième, il reproduit, peut-être sans le savoir, mais enfin il reproduit une pensée exprimée plusieurs fois par saint Augustin. Puisqu'il s'agit de la nature de l'âme, dit le grand évêque, détournons notre attention de toutes les idées qui nous viennent du dehors par les sens corporels, et méditons plus profondément les principes précédemment posés, que les âmes se connaissent elles-mêmes, et qu'elles se connaissent d'une manière certaine. De la Trinité, livre 10 chapitre 10. N'est-ce pas du principe que l'âme connaît ses attributs et sa substance que saint Augustin part pour établir que l'âme ne se connaissant ni comme terrestre, ni comme aqueuse, ni comme aérienne, ni comme ignée, et se connaissant comme douée d'intelligence, de mémoire, de volonté, elle est simplement une chose qui pense, qui se souvient, qui veut et qui n'a rien à démêler avec les corps. Idem. Il est vrai que saint Augustin ne s'attache pas aussi longtemps et aussi obstinément que Descartes à ses doutes sur l'existence des corps, et qu'il la pose même implicitement quand, après avoir établi la réalité de l'intelligence, de la mémoire et de la volonté, il ajoute qu'elles ont ce que nous appellerions aujourd'hui un caractère objectif, idem, mais la différence qu'il faut bien constater ici entre saint Augustin et Descartes, est-elle à l'avantage de ce dernier, Descartes, faisant violence aux faits, sépare, par une abstraction contre nature, le sujet pensant de l'objet pensé, il croit au premier et doute du second, sans songer qu'ils nous sont donnés simultanément, au même titre et avec la même évidence l'un que l'autre, et se condamne à ne pouvoir combler l'abîme qu'il a creusé entre eux que par l'intervention d'une sorte de Deus ex machina, non moins répréhensible dans un système philosophique que dans une pièce de théâtre. Saint Augustin, au contraire, accepte le phénomène de la connaissance tel qu'il lui est offert par l'observation, il l'admet dans son unité et dans son intégrité essentielle, et n'a pas besoin de recourir à l'arbitraire pour reconstituer un tout que l'arbitraire n'a pas brisé. Car ce n'est pas seulement l'être et la pensée, la volonté et la mémoire, mais encore l'âme et le corps, le sujet et l'objet qui lui apparaissent réunis dans la complexité d'un seul et même fait de conscience. Quant à la connaissance de Dieu, Je ne prétends pas que saint Augustin les rattachait aussi étroitement que Descartes à leurs principes communs, mais on conviendra cependant que c'est par la connaissance de la pensée humaine et de l'être humain qu'il lui arrive. Pour lui, comme pour Descartes, la psychologie est le chemin de la théologie, voire le chapitre premier. À chaque instant on trouve dans ses ouvrages des phrases comme celle-ci, « Garde-toi de te répandre au dehors, rentre en toi-même, c'est dans l'homme intérieur que la vérité habite. » De la vraie religion chapitre 39. Or cette vérité, qu'est-elle pour lui, sinon Dieu lui-même se communiquant à l'homme par la raison et faisant son éducation intellectuelle et morale? C'est le maître intérieur, comme saint Augustin l'appelle et comme Malebranche et Fénelon l'ont si souvent appelé après lui. Or ce nom seul montre assez que si nous voulons connaître Dieu, c'est en nous-mêmes, selon saint Augustin, que nous devons le chercher. En résumé, Descartes attirait plus directement que saint Augustin toutes ses idées du fait complexe de sa pensée et de son existence, et a plus fortement relié ses idées entre elles, mais, s'il a composé un système plus rigoureux, plus compact que saint Augustin, celui-ci lui a sans doute fourni directement ou indirectement plusieurs des matériaux qu'il a mis en œuvre. Le philosophe ancien va moins loin que le moderne, je l'accorde, mais la distance qui les sépare n'est pas aussi grande qu'on l'a fait ordinairement, sans compter que le premier a eu le mérite de frayer la route au second. Markendan Archivorg 2021, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.